nous espérons qu'à l'issue de cette soirée, d'autres personnes seront volontaires pour nous rejoindre. Si vous êtes intéressé par la démarche, et si ce n'est déjà fait, merci de laisser vos coordonnées sur la feuille de présence qui est située en bas, près de l'escalier, en bas de la salle. Et n'hésitez pas également à aller coller une pastille de couleur sur la carte en bas, près de la grille en dessous, on a mis une carte, vous pouvez coller des petites pastilles pour nous dire d'où vous êtes, ce qui va nous aider, nous, après, ensuite, à construire le territoire sur lequel on pourrait imaginer un jour, peut-être, avoir une bonne école. La recherche de la salle a été épique et dans l'urgence. Plusieurs collectivités et élus ont répondu présents, qu'ils en soient remerciés. Merci au personnel de la ville de Bourgoin-Jallieu pour sa réactivité pour la mise à disposition de cette salle. Merci également à l'association Hors Piste qui porte cette soirée pour des raisons logistiques et d'assurance. Merci bien sûr à toi, Philippe Derrieux, d'être parmi nous ce soir en toute simplicité pour partager tes savoirs et ton expérience. Nous aurons ce soir deux temps d'échange. Un premier, à la suite de la conférence, pour permettre à Philippe Derrieux de répondre à vos questions et éclaircir d'éventuelles zones d'ombre. En pratique, juste pour gagner du temps et permettre à chacun de s'exprimer, et ceux qui éventuellement n'oseraient pas parler devant une telle assemblée, nous vous demanderons d'écrire vos questions, c'est pour ça que vous avez mis des papiers et des crayons, de poser vos questions tout au long de la conférence par écrit. Il y a des personnes, quand vous avez écrit une conférence, qui sont passées derrière vous, qui vont lever les bras, qui vont récolter vos questions et qui ensuite vont les synthétiser. Bon, voilà, ça va permettre de recouper les questions. Et puis ça nous permettra aussi, si par hasard, il y avait des questions qui restaient sans réponse ce soir, de les collecter et de vous répondre par écrit ensuite. On fera une fois en question, voilà, la possibilité de trouver réponse à toutes vos questions. Un second temps se passera autour d'un verre qui sera au rez-de-chaussée, mais nous y reviendrons en fin de séance. Après avoir mené une entreprise familiale au niveau d'un groupe international pendant les années 80, Philippe Derrieux, vous quittez un système dans lequel vous ne croyez plus. Après une longue traversée du désert qui vous mène au début des années 2000, vous parcourez le monde pour rechercher, étudier, promouvoir des alternatives au système monétaire, économique et financier. Vous êtes l'auteur de vidéos disponibles au rez-de-chaussée, disponibles également pour certaines sur Internet, notamment La monnaie du pouvoir d'achat, le pouvoir d'être, et également plusieurs ouvrages qui sont disponibles au rez-de-chaussée à l'issue de la conférence. Le chco, l'abeille, la violette, le lien, la gonnette, il existe en France une trentaine de monnaies locales en circulation depuis 2010. Une trentaine de projets seraient en cours d'élaboration. Un engouement qui s'accélère depuis la projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Les MLC, monnaies locales complémentaires ou citoyennes, sont perçues par certains comme une solution viable et efficace pour recentrer l'économie au service des citoyens et du territoire. Pour d'autres, c'est un gentil exercice boudingue, sans réel impact, tant les montants en circulation sont anecdotiques face à la puissance de la finance internationale. Alors, outil protectionniste ou bien outil de développement économique cohérent? Philippe Derrieux, dites-nous, une monnaie locale complémentaire, c'est quoi, pourquoi et comment? Merci, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, merci de recevoir dans cette magnifique salle. Merci aux organisateurs qui ont vraiment fait ça à l'arraché, parce qu'ils ont appris que j'étais en France, j'habite au Québec, donc j'étais en France justement pour accompagner les monnaies locales, pour parler de la monnaie, pour... voilà. Et donc, prenant ma présence dans quoi, eh bien, ils ont imaginé de réunir, je vois beaucoup de monde, et j'en suis tout à fait en contact, pour essayer de soutenir, de promouvoir leur projet de monnaie locale ici. Et donc, mon but ce soir, c'est de vous partager mon enthousiasme pour les monnaies locales, pour vous dire, pour moi, ce que ça représente, et pour nous tous, parce que très souvent, justement, on se pose des questions, disant que c'est ce nouveau joujou pour Bobo, là, jouer à l'argent, ça va servir à quoi? Bref, comme ça a été dit, je ne vais pas vous m'étendre sur tout mon parcours, mais donc j'ai eu toute une première partie de ma vie dans le business pur et dur, j'avais une entreprise, j'ai aimé le monde de l'entreprise, j'ai cru dans le capitalisme libéral, et puis... voilà, j'étais, au fur et à mesure de mon cheminement dans l'entreprise, j'ai découvert les contradictions, puis ça m'a mis vraiment, ça m'a fâché avec le système, parce que j'ai découvert que le système n'avait pas de, ce système que nous vivons toujours, hein, n'a pas d'avenir, et c'est surtout l'humain qui n'a pas d'avenir à cause de ce système, et qu'il était urgent de commencer à penser autre chose, c'est ce qui m'a conduit à démissionner toutes mes fonctions en 1992, et puis m'engager dans une réflexion. À l'époque, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire et comment j'allais faire, mais pour me dire, ce serait quand même intéressant aujourd'hui d'imaginer comment mettre l'économie au service de l'humain et de la planète, plutôt que ce soit l'inverse. Et puis, chemin faisant, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, mais des personnes qui m'ont éclairé sur la monnaie, sujet sur lequel je ne m'interrogeais absolument pas, qui s'interroge sur la monnaie autre que de savoir comment gagner des sous. Au-delà de ça, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça fonctionne, on laisse ça aux experts, hein. Vous avez bien vu que tous les sujets économiques en général, économiques monétaires, c'est un peu comme la médecine de Molière, hein. C'est, vous laissez ça à des experts parce que c'est trop compliqué, le peuple ne peut rien y comprendre. Hein. Donc faut laisser ça aux experts. Eh bien non, la monnaie, justement, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre. En tant que peuple, en tant que nation, en tant que citoyen, nous avons besoin aujourd'hui, pour relever les défis de ce siècle, de comprendre ce que c'est que la monnaie et de la remettre en tant qu'outil à notre service, au service de la vie, et non pas être les esclaves de la monnaie comme nous le sommes aujourd'hui. Et les monnaies locales, pour moi, c'est quelque chose qui va nous y aider. C'est pas une fin en soi, je sais même pas si dans 50 ans on aura encore besoin de monnaie locale, j'en sais rien. Mais c'est le marchepied, c'est l'espace qu'on va s'offrir aujourd'hui pour nous les citoyens, grandir dans notre citoyenneté, grandir dans notre humanité, pour vraiment poser les premiers pas vers un monde qui reposera sur un modèle totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est une véritable révolution, révolution au sens propre du terme. On vit actuellement à l'envers, et donc il faut remettre les choses à l'endroit. Et pour moi, les monnaies locales, c'est un terrain qu'on va s'offrir pour pouvoir opérer ça. Alors, d'un autre côté, les monnaies locales, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a accompagné l'humanité au travers de toute son histoire. Là déjà, ce que je vous montre ici, c'est des tessons de poterie, et donc des morceaux de poterie cassés qui étaient utilisés en Égypte, en Haute-Égypte, tout simplement par le peuple, par les gens au quotidien, qui allaient déposer le plus souvent du blé dans un grenier. On leur remettait en échange ces petits tessons de poterie sur lesquels on inscrivait la quantité, etc., qu'ils pouvaient venir rechercher quand ils en avaient besoin, qu'ils pouvaient donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir échanger contre autre chose. Donc, à côté de ça, il y avait les monnaies royales, les monnaies impériales, qui étaient des monnaies le plus souvent de métaux précieux. Ça, c'était pour les échanges lointains, les échanges locaux, et le peuple n'ayant souvent pas du tout accès à ces monnaies princières, se débrouillait avec des monnaies de ce type. Il y en a eu beaucoup également au Moyen-Âge, ici en Europe. Bref, je veux dire tout simplement que les monnaies locales, c'est quelque chose qui a accompagné l'histoire de l'humanité. C'est pas un nouveau joujou qu'on invente, elles sont juste réintroduites après une absence d'environ 200 ans. Si ça veut bien continuer à le faire. Et là, voilà, on en a retrouvé, c'est né de nouveau après la première grande crise de 1929, ou pendant la crise, dans le début des années 30. Ça, c'est la monnaie de Schönenkirchen, la Vara, qui a été la première monnaie locale, qui a été introduite dans un petit village, le village de Schönenkirchen, qui avait, je crois, 150 habitants, c'est un tout petit village, et qui vivait de la mine, du mine de charbon, qui avait été fermée pour cause de gestion de la crise. Et donc, tout le monde était au chômage, le village périclitait, le village mourait, et le bourgmestre qui appartenait à un club de réflexion justement sur la monnaie, mais c'était un sujet plutôt théorique. Il réfléchissait sur une monnaie qu'il avait appelée l'Avara, et se sont dit à un moment, plutôt que de rester dans la théorie et dans l'imaginaire, puisqu'on est en pleine crise, pourquoi on ne l'utiliserait pas, pourquoi on ne passerait pas à l'acte. Et ils ont proposé aux gens du village de Schoenkirchen de réhabiliter la mine, mais d'être payé en vara, donc avec ce petit machin, un petit bout de papier jaune, plutôt que en... Comment c'était le Reichsmark à l'époque. Hein. Voilà, puis ils ont accepté. Tout simplement, ils se sont dit plutôt que d'être au chômage, on dit, il faut avouer qu'il y avait à l'époque une économie locale, hein. Il y avait des artisans, il y avait des paysans autour du village, et donc en quelques mois, ils ont pu relancer toute l'économie, tout le monde est retourné au boulot. Le village, ils ont même payé leurs impôts, le maire prenait cette monnaie pour payer les impôts locaux, ils ont engagé des travaux dans la commune, bref, c'était la prospérité quand le reste du monde était en train d'étouffer. Et donc il y avait des journalistes, des économistes qui venaient de tous les coins du monde pour voir cette espèce de miracle à Schoenkirchen. Voilà, donc une monnaie qui a bien marché, comme l'expérience a été fructueuse, elle a été copiée par une autre expérience à Wörgl en Autriche, puis d'autres également qui ont suivi, sauf que au bout de quelques temps, les banques centrales des différents pays ou les États ont déposé plainte contre ces monnaies qui étaient en contravention avec le monopole des missions monétaires des banques centrales. Et quoique les tribunaux aient reconnu toute l'intelligence et la pertinence de ces monnaies qui avaient redonné de l'aide du travail à tout le monde, eh bien, légalement, ça a été arrêté et tout le monde est retourné au chômage. Voilà l'intelligence des choses. Une autre monnaie qui est née également dans les années 30 et qui s'appelle le franc vire, donc pas très loin d'ici, en Suisse. C'était un groupe d'entrepreneurs suisses qui, comme beaucoup d'autres, manquaient d'argent, manquaient de francs, montraient le franc suisse et leurs activités périclitaient. C'est quand même absurde, on a un savoir-faire, on a un métier, on se connaît, on peut se soutenir mutuellement, et tout est bloqué parce qu'on n'a pas d'argent. Alors ils ont décidé de fonder une coopérative et puis ils ont commencé à s'échanger, à se fournir mutuellement, avec une monnaie autre qu'ils ont inventée, c'est le franc vire, qui valait un franc suisse, et ça leur a permis, pendant la crise, de redémarrer leurs activités et de retrouver de la prospérité. Mais là, c'est le seul exemple qui n'a pas été arrêté par le gouvernement, au point que la coopérative vire a reçu en 1937 l'agrément bancaire, c'est devenu une banque de plein exercice, qui existe toujours aujourd'hui. Hein, la banque vire en Suisse avec 70 000 entreprises clientes. Donc c'est pareil, on peut dire qu'en Suisse, il y a deux monnaies aujourd'hui. Hein, là, il y a la monnaie, le franc suisse, et il y a le franc vire qui est toujours existant et qui a cet intérêt que les personnes, les entreprises, alors c'est uniquement un réseau d'entreprises, c'est que les entreprises qui s'échangent entre elles, mais donc ces entreprises, au lieu de devoir se payer en francs suisses ce qui alourdirait leur trésorerie, peuvent utiliser les francs vire et donc ils épargnent, ils allègent leur trésorerie, ce qui est un avantage tout à fait intéressant pour eux. Et puis bien sûr, ça crée une espèce de phénomène de club, puisque bah, ils ont plus intérêt à s'acheter entre eux, puisqu'ils peuvent utiliser le franc vire, que plutôt d'acheter en dehors du réseau qu'ils devraient payer en France suisse. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui est une véritable expérience emblématique dans le monde des entreprises, qui a été copiée en Belgique et qui existe pas mal également aux États-Unis. Bref, ce genre de monnaie de réseau inter-entreprise est tout à fait intéressant pour cette région-là. Il y a un réseau qui démarre en France, qui est copié sur ce modèle, c'est à Nantes, avec la seule Nantes. Il y a également les monnaies de lien, donc ça, elles sont quand même plus connues, donc des monnaies à vocation sociale, qui réunissent là des monsieur, madame, tout le monde, sont des particuliers qui se réunissent en réseau. On connaît bien ici les selles. Il y a un sel ici, où il y a plusieurs selles, vous les connaissez? Il y en a? Oui. Donc, ce qui est bien connu ici en France, c'est le système d'échange local. Hein. qui sont donc là, tout simplement, ben, des gens comme vous et moi qui se réunissent et puis qui décident de partager leur talent, leur savoir, leurs compétences dans différents domaines avec des grains de sel plutôt que des euros. Et donc ça permet là, d'une part de se relier, de se connaître, de former un réseau convivial où on peut avoir accès en même temps à toutes sortes de savoirs, de biens, de services sans avoir besoin de recourir à l'euro. Il y a également le mouvement des accorderies qui a été fondé au Québec et qui se développe très fortement en France aujourd'hui. Donc là, ce sont des monnaies de temps, plus souvent, qui permettent à des personnes, en particulier toutes ces personnes qui sont exclues, qui souffrent de la solitude, de la marginalisation, de pouvoir retrouver une place et une utilité au sein d'un réseau de personnes. On peut échanger principalement des services. Ce sont dans tous les cas, ce sont des monnaies qui sont très, très intéressantes en termes de liens, de réinsertion, d'aider les gens à se replacer, à retrouver la dignité et une place dans la société. Et puis il y a nos monnaies locales complémentaires qui se développent depuis maintenant 6 ans en France, mais qui ont commencé bien avant en Allemagne, entre autres. Alors, il y en a d'autres dans le monde, hein, je ne vais pas faire tout le tour. Il y en a une très, très connue au Brésil, avec le Banco Palmas, qui a plus de 20 ans maintenant. Donc ce sont des monnaies qui sont très spécifiques. Il y a une sorte de mosaïque de monnaies locales qui peuvent avoir des formes et des objectifs très différents, parce qu'elles s'adaptent évidemment à vouloir répondre aux problèmes spécifiques du coin. Alors en France, nous, on les a lancés. Si je vous parle ce soir, c'est parce que j'étais à l'initiative avec quelques pionniers des premières monnaies locales en France. La toute première, c'était en 2010 à Villeneuve-sur-Lot, une monnaie qui s'appelait l'Abeille. Et ce sont donc des monnaies qui se développent un peu. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui qui existent en France. Et une autre trentaine, facilement, qui est en gestation. Donc celle d'ici qui est au moins dans la pensée et dont vous serez peut-être les acteurs demain ou après-demain. Alors comment ça marche cette affaire? Donc il s'agit d'un réseau, toujours d'un réseau qui s'adresse à l'ensemble de la communauté. Donc d'un côté on a surtout des entreprises dont on appelle des prestataires, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, bref. Un monde professionnel, et de l'autre côté, on a monsieur, madame, tout le monde, les habitants du territoire, qui vont se réunir à l'intérieur d'une association. Il peut y avoir aussi des collectivités locales, que ce soit la mairie, ce soit la région. Bref, les collectivités locales, dans certains cas, se fondent et embarquent dans l'aventure avec les citoyens. Mais il est important quand même, dans notre idée, d'ailleurs c'est dans la définition même. On se définit comme ça dans le mouvement des monnaies locales complémentaires, et maintenant on l'appelle citoyenne, monnaie locale complémentaire et citoyenne, c'est un mouvement citoyen. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des institutions, des collectivités qui veulent embarquer dans le jeu, les piloter elles-mêmes, les démarrer sur leur propre territoire. Et là, dans un schéma descendant, c'est-à-dire c'est l'institution qui propose une monnaie locale et qui a piloté les choses. Donc, bon, pourquoi pas, on ne peut pas leur interdire, mais pour nous, et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure que je développerai mon propos, pour nous, c'est vraiment une initiative citoyenne. Ce sont les citoyens qui doivent construire et vivre cette expérience. Ce n'est pas un service à consommer. Un service tout fait à consommer. C'est à nous de l'initier, c'est à nous de l'imaginer, c'est à nous de le faire vivre, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir grandir tant dans notre citoyenneté et reprendre notre pleine place dans le monde. Donc c'est important que ce soit les citoyens, que les collectivités locales participent, très bien, mais en soutien, et qu'elles n'aient pas le pilotage de la chose. Alors là, on fonde une association, et dans cette association, l'acte véritablement d'adhésion de dans l'association, c'est la signature de la charte. Le groupe fondateur de la monnaie va rédiger une charte de valeurs, parce que le but, c'est pas de lancer une monnaie locale qui serait un euro en réduction. Si on lance une monnaie locale, on se dit pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire de différent ? Et donc, il y a toute une réflexion, mais parfois ça peut demander plusieurs réunions. Hein. C'est un travail vraiment de fond, c'est pas quelque chose à parler, au contraire. Hein. Puisque c'est vraiment la raison d'être de la monnaie locale, c'est de réfléchir sur quelles sont les valeurs qu'on a vraiment envie d'incarner sur notre territoire. Et là, il faut bien comprendre que les valeurs, c'est pas trop difficile de les décliner et de les mettre par écrit. L'humanité fonctionne sur des valeurs, à commencer par nos frontons ici, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelque chose de ce genre. Il faut voir combien nos idéaux peuvent être beaux, mais combien aussi on peine à les incarner, et combien très souvent on fait exactement l'inverse de ce qu'on veut vraiment. Et donc, les chartes de nos monnaies locales, voilà, on dit les valeurs qu'on a envie d'incarner, en étant conscient en même temps qu'on est souvent très incapable de les incarner. Donc, ça va être tout le travail qu'on va se donner, l'objectif qu'on va se donner à l'intérieur de ce jeu de la monnaie locale, pour apprendre ensemble à ce que ces valeurs deviennent des réalités. Donc, l'acte d'adhésion dans la monnaie locale, ça va être, je vais signer la charte et puis je vais payer une adhésion. Là-bas, le droit d'adhésion est décidé par chaque monnaie, par des ressources qui sont gratuites, d'autres qui ont besoin d'être payantes, ne serait-ce que parce qu'il y a bien des frais de fonctionnement. Et il est important quand même de concevoir nos monnaies locales comme un outil à terme autosuffisant, parce que s'il dépend uniquement de subventions, vous pensez que si les autorités un jour décident que ça les gêne, eh bien, il suffit de fermer le robinet et puis elles n'existent plus, vos monnaies locales. Donc, on a besoin souvent de subventions et de financement au départ, mais il est important qu'on conçoive les choses de façon à être autonome au bout de quelques années. Et puis après, bien, on va réfléchir sur la monnaie, et la majorité des monnaies locales complémentaires, c'est des monnaies papier. Donc on va imaginer les coupures, l'illustration, la fabrication. On va se rapprocher d'un imprimeur pour voir avec lui comment on peut protéger les billets, parce que bon, quand même, même si c'est une monnaie locale, même si c'est quand même très anecdotique dans le paysage économique, il va y avoir des petits malins qui s'amuseraient à les photocopier, et puis bah voilà, j'ai pas de monnaie locale dans ma poche, je peux m'amuser avec. Donc on va les protéger comme des billets de banque aussi, donc il y a des encres spéciales qui évitent le photocopiage ou des choses de ce genre, donc nos monnaies sont protégées. Donc voilà, on utilise en règle générale des monnaies papier parce que c'est plus facile à faire. C'est plus la législation est plus légère pour les monnaies papier que pour les monnaies électroniques, et puis aussi parce que ces monnaies papier, on peut passer un message dessus. C'est quelque chose de très physique. On voit même nous-mêmes, hein, entre notre carte de paiement et puis nos billets de banque, on n'a pas la même relation, ça se passe pas de la même façon. Et là encore, ça devient un outil très de communication. En même temps, quand on a lancé la toute première monnaie à Villeneuve-sur-Lot, c'était une monnaie qui ressemblait à ça. C'était des bouts de carton avec une abeille conservant des dessinées. Alors c'était complètement enfantin, on serait cru dans une cour d'école de maternelle. Et puis on était sur le marché de Villeneuve-sur-Lot, on payait nos légumes avec ça. Et à partir du moment où il y a quelque chose de physique, de cet ordre, ce billet, vous pensez que les personnes qui sont derrière, qui vous voient payer avec un billet qu'ils ne connaissent pas, ça interroge, et donc ça pousse les gens à dire « Attends, vous payez avec quoi? C'est quoi ce truc-là » Et donc évidemment, on va pouvoir répondre « voilà, c'est parce qu'on lance une monnaie locale dans notre territoire. Bah, »« La monnaie locale, c'est quoi ce truc-là? Ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas ?» Voilà, ça facilite le lien, ça facilite la conversation. Alors que si on paye avec une carte électronique, bah, souvent ça n'attire pas précisément l'attention. Et puis encore une fois, le graphisme, l'illustration qu'on va mettre dessus, ça va être symbolique en même temps, on va passer des messages pour justement sensibiliser sur les valeurs qu'on veut soutenir. Donc voilà, très souvent, c'est pour cette raison qu'on utilise les monnaies papier. Ensuite, on va organiser un réseau de comptoirs d'échange. Alors ça va être pour le siège de l'association, ça peut être un guichet de banque, parce qu'il y a des banques qui veulent rentrer dans le système, qui sont tout à fait en soutien de ce genre de démarche, et puis aussi pour permettre l'accès à ces monnaies locales de la façon la plus simple possible, on va demander à des commerçants, le plus souvent, qui sont adhérents au réseau, s'ils veulent bien jouer le rôle de comptoir d'échange. Comptoir d'échange parce que, une fois qu'on est adhérent du réseau, on peut aller dans un de ces comptoirs d'échange, et là, on va échanger X euros, 20, 50, 100, ce qu'on veut, chacun va pouvoir échanger une certaine quantité d'euros contre une quantité équivalente de monnaie locale. Certaines monnaies proposent un bonus, c'est-à-dire par exemple contre 100 euros, je peux recevoir 105 unités de monnaie locale avec comme intérêt donc, ou bien un petit 5% en crache là-dessus, ça peut être une amélioration de pouvoir d'achat pour ceux qui ont des finances un peu tirées, ou bien pour ceux qui ont des finances un peu plus souples, et peuvent se dire, bah, moi je n'ai pas vraiment besoin de ce 5%, je veux bien les verser au fonds de soutien à des projets locaux, parce que ces monnaies locales ont une vocation de soutien à des projets locaux pour redynamiser un peu l'économie locale, pour permettre peut-être la réimplantation de certaines activités perdues, hein, parce qu'on le vit, on l'habite maintenant on le vit dans beaucoup de lieux, dans des véritables déserts économiques, hein, où il n'y a plus rien. Donc voilà, cette idée par derrière qui est là. Donc je me rends donc sur un comptoir d'échange où je vais pouvoir échanger des euros contre de la monnaie locale. Et après, eh bien, je vais aller dans les commerces ou chez les producteurs, les paysans qui acceptent cette monnaie, qui se identifient avec un petit panneau. Ici, on accepte la monnaie, hein, on va pouvoir repérer, mais il y aura bien sûr souvent une petite plaquette, des flyers qui indiquent tous les endroits, toutes les entreprises qui l'acceptent. Il y a un site web régulièrement mis à jour où on peut trouver l'ensemble de toutes les entreprises qui acceptent la monnaie locale dans les différents domaines. Et donc on va pouvoir aller faire nos achats dans ces entreprises-là, qu'on appelle des prestataires. Alors la question après, c'est de faire tourner cette monnaie. Hein, parce que si c'est uniquement aller acheter notre, ce qu'on veut dans des commerces, et puis que la monnaie locale revienne de là où elle était, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on veut que l'économie locale soit un peu redynamisée, eh bien il faut que la monnaie circule. Or, autant l'euro a pouvoir légal, c'est-à-dire que personne n'a le droit de le refuser, donc il est accepté par tout le monde, donc là on ne se pose pas de questions, autant dans un réseau de monnaie locale, c'est du volontariat, on l'accepte si on veut bien. Donc il y a toute une dynamique à créer à l'intérieur du réseau à développer. Hein, bon, encore une fois, par exemple, à la ville neuve, je crois qu'il y avait 5 entreprises au départ qui acceptaient la monnaie locale. C'était ridicule, c'est pas un réseau, il n'y a pas véritablement possibilité de faire circuler la monnaie. Mais ce qui est intéressant, grâce justement au fait que la monnaie locale est appuyée sur l'euro, on peut inciter et inviter les commerçants, producteurs, artisans, etc., à rentrer dans le bal, en leur disant, vous ne risquez rien de toute façon, même si au début le réseau ne vous permet pas de véritablement utiliser la monnaie, vous aurez la possibilité de la reconvertir en euros. Donc vous ne prenez pas de risque. Mais il est évident que le but, ce n'est pas uniquement d'aller dépenser nos monnaies locales chez les commerçants locaux et qu'ils la reconvertissent immédiatement en euros. Ça n'aurait pas de sens. Donc on est invité les uns et les autres, une fois qu'on est dans un réseau de monnaie locale, c'est à faire tout ce que l'on peut pour le développer, faire venir plus d'utilisateurs et élargir le réseau des prestataires pour offrir sur le territoire la plus grande diversité possible de prestataires, inviter eux-mêmes à se fournir mutuellement. Donc là, il y a un changement de regard, un changement d'attitude, là où c'est pas uniquement, on ne reste pas à faire ce qu'on a l'habitude de faire, ou ça se bloque d'aller faire vos courses avec des billets de nature différente. il y a un véritable travail de sensibilisation de l'intérêt de ces monnaies locales auprès de tout le monde pour que ça devienne un véritable réseau vivant et dynamique où la monnaie va pouvoir circuler harmonieusement. Donc les monnaies locales peuvent être converties en euros. Alors de toute façon, il faut savoir que la loi nous oblige à adosser, à garantir les monnaies locales par une quantité équivalente d'euros. Ça, c'est en France. Pour une petite histoire quand même, au Québec, le Canada n'impose pas cette obligation. Ce qui ouvre quand même des perspectives plus larges, parce que nous, on n'a pas besoin de s'appuyer sur le dollar. Alors au départ, on s'appuie sur le dollar, comme je viens de l'expliquer, pour créer la confiance dans le système, et donc assurer aux prestataires professionnels que s'ils ont trop de monnaie locale dans leur tiroir caisse, ils pourront la reconvertir en monnaie nationale. Mais au fur et à mesure que le réseau se développera, on arrivera à un certain moment où la monnaie circule harmonieusement et où on pourrait se libérer de la tutelle de l'euro, et ça deviendra certainement un moment délicat, hein, parce que pour l'instant, on s'accommode de la loi parce que c'est comme ça et que ça rend service en même temps pour lancer le mouvement, mais il arrivera un moment où on aimerait peut-être bien s'affranchir du carcan de l'euro pour pouvoir exprimer plus librement ce qu'on a envie d'exprimer à l'intérieur de notre territoire. Bon, l'histoire reste à écrire, on verra comment ça se passera. Pour l'instant, on est au début. Pour l'instant, la monnaie est donc appuyée sur l'euro. Alors, quand je dis ça, on peut se dire, c'est absurde, quoi, parce que pourquoi se passer la tête à aller échanger de la monnaie locale contre des euros contre de la monnaie locale, quand on parle de monnaie locale, redynamiser le territoire, acheter plus local, acheter plus éthique, enfin faire tout ça, on peut le faire avec les euros, pourquoi se casser la tête, aller les échanger contre de la monnaie locale? Mais quand même, alors là je rentre dans le pourquoi, et vous allez voir que ça peut nous emmener très loin. Déjà au départ, pour moi c'est un acte de cohérence. Mais il faut savoir une information qui circule de plus en plus et que beaucoup de personnes connaissent, c'est que 97% des flux financiers mondiaux sont absorbés par la spéculation. 3% seulement servent pour ce qui est nécessaire dans notre vie quotidienne. Ça vous montre le délire, mais le véritable délire dans lequel on vit. Parce que la spéculation aujourd'hui, vous savez que c'est pas... Ça a justement des conséquences dramatiques pour les êtres humains et pour l'environnement. Donc là, on est face à un jeu de casino monstrueux qui absorbe donc les sous, nos euros, nos dollars, nos yens, nos livres sterling, etc. sont absorbés à 97% pour jouer au casino pour l'intérêt de quelques-uns et souvent le malheur de beaucoup d'autres. Et donc, lorsque je passe par une monnaie locale, par exemple, je vais convertir 50 euros pour faire mes courses. Hein, je prends 50 euros que je retire de la masse monétaire mondiale et que je vais confier à mon association, la MLCC. Et je vais recevoir en échange l'équivalent de 50 euros avec éventuellement un bonus en monnaie locale qui, cette fois, va servir à 100% l'économie réelle locale, plus 3%, 100%. Donc vous voyez comme c'est un acte de cohérence citoyenne, parce qu'on peut toujours être très mobilisé, par exemple, si je monte du bio, par exemple, je monte du bio pourquoi? Parce que c'est peut-être bon pour ma santé, et puis parce que ça prend plus soin de la nature. C'est un acte cohérent. Donc je cherche à mettre mon alimentation en cohérence avec ce que j'imagine d'utile pour ma propre santé et pour la planète. Ben, c'est exactement la même chose. Là, sur le plan monétaire, je peux avoir les plus belles intentions et éthiques, je peux faire attention à ce que j'achète, etc. Oui, mais si je paye avec la monnaie nationale, malgré moi, ça va aller alimenter une machine folle. Donc, en passant par une monnaie locale, ça devient vraiment un acte de citoyen engagé et cohérent qui va, alors, c'est pas tout notre argent qu'on met là-dedans, hein. Alors c'est une goutte d'eau dans la mer, on dirait, parce que c'est pas les 50 euros que je vais utiliser peut-être par semaine pour aller faire mes commissions d'emploi qui vont changer le raz-de-marée monétaire mondial. Mais ce n'est pas ça. C'est un acte de cohérence individuelle, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la cohérence. C'est ça qui compte véritablement. Nous avons tous besoin de nous mettre en cohérence avec nos valeurs. Et c'est ça justement qui est intéressant. C'est de rechercher cette cohérence pour remettre les choses à l'endroit, parce que justement, on est très souvent en décalage. Ça, c'est une chose, à mon avis, essentielle à comprendre. Bon, la deuxième est un peu plus simple à comprendre malgré tout, c'est que, bah, voilà, une monnaie locale, elle n'a de validité qu'à l'intérieur d'un territoire délimité. Alors, ça peut être un quartier d'une ville, ça peut être une ville entière, ça peut être une région. Il n'y a pas de règle du jeu. La règle du jeu, c'est de se dire, quand on veut évaluer le territoire, comme ça vous avez été demandé, pour ça, n'hésitez pas à mettre votre petit kilomètre là en bas pour vous situer, c'est de s'adresser à un bassin de vie. C'est-à-dire, si j'en suis mené local dans un village où il y a juste un épicier, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de réseau à lancer. Il faut pouvoir agir sur un territoire où il y a un potentiel d'échange. Un bassin de vie avec quand même des productions, une activité économique où les acteurs vont pouvoir échanger. Sinon, s'il n'y a pas de potentiel d'échange, bah, avec nos meilleures intentions, ça ne tournera pas, ça ne marchera pas. Donc le territoire est défini comme ça. Et puis il y a cette idée derrière que, justement, on est face à un désert économique dans nos campagnes. L'économie aujourd'hui a été mondialisée, et donc il y a plein de choses maintenant qu'on faisait autrefois et qui n'existent plus localement, ni nationalement. On vit au quotidien les promesses mensongères de la mondialisation. On ne peut pas cracher sur la mondialisation, il peut y avoir certains aspects positifs, mais on découvre aussi qu'aujourd'hui, les nuisances humaines et environnementales dépassent de loin peut-être les avantages qu'on pouvait en espérer. Donc il y a dans tous les cas un rééquilibrage, une volonté de rééquilibrage et de se dire la première richesse qu'on a à valoriser, nous, en tant que citoyens, c'est avec nos voisins, là, autour de nous. C'est pas d'aller penser aux petits Chinois, vous voyez, j'ai rien contre les petits Chinois ou autres, mais mes voisins, j'ai des voisins parce qu'ils ont la possibilité de vivre ici, parce qu'ils ont un revenu, parce qu'il faut se donner la possibilité de vivre. Et donc, il faut se mettre ensemble pour penser que l'autre qui est ici, bah, il doit avoir la possibilité d'avoir un revenu si on veut qu'il puisse continuer à vivre ici. C'est avec ces voisins-là qu'on vit au quotidien. Et donc notre région, c'est notre première richesse. Donc il est important de redonner de l'importance à ce qui se passe sur notre territoire. Vous savez qu'on a été conditionné et on est conditionné à acheter du prix. Nous chantons sur tous les toits, on l'entend au moins 100 fois par jour, acheter du pas cher chez Machin, là, dans la grande distribution, comme si notre vie allait s'améliorer parce que tout simplement, un tel enseigne fait moins cher que tel autre enseigne. On nous décline le pas cher comme étant la clé du bonheur. Ben, la clé du bonheur, peut-être qu'effectivement, quand j'achète pas cher, je fais des économies. Personnellement, sauf que je suis peut-être en train de financer mon prochain licenciement. Parce que un prix bas, c'est des salaires bas. Et c'est la recherche permanente de couper les salaires et les licencier. Donc il faut regarder que l'effet collectif du pas cher génère le chômage qu'on connaît et la misère qu'on connaît. Donc il est important de se dire, bah oui, c'est peut-être un peu plus cher, là où je ne sais pas, mais se reposer la question de nos propres besoins, de qu'est-ce que j'achète, pourquoi je l'achète, comment je l'achète, qu'est-ce que je soutiens derrière ça, et ne pas regarder uniquement l'intérêt premier que je peux avoir au travers d'un prix attractif, parce que l'apparence immédiate peut cacher un autre train qui est beaucoup plus dangereux. Donc voilà, derrière les monnaies locales, il y a quand même cette intention, non pas et surtout pas de s'enfermer dans un système autarcique où voilà, on a un bon repli sur soi et vivre entre nous et plus prendre soin du reste du monde. Bien au contraire, on n'est absolument pas dans cette dynamique, mais on est dans une volonté d'honorer et de reconnaître la richesse qui existe tout près de chez nous, sur notre territoire, et de la valoriser en premier. Et puis, il y a un autre aspect qui est loin d'être négligeable, c'est que si je passe par une monnaie locale, je double, je multiplie par deux, ma masse monétaire. Si je ne passe pas par la monnaie locale, j'ai 50 euros dans ma poche le matin, je vais faire des courses dans la journée, le soir j'ai dépensé mes 50 euros, ils sont dans les tiroirs caisses ou les poches des commerçants chez qui je suis allé, mais il y avait 50 euros dans la communauté le matin, il y a toujours 50 euros dans la communauté le soir, sauf qu'ils ne sont plus dans les mêmes poches, mais c'est les 50 euros au matin et 50 euros le soir, il n'y a pas eu d'amélioration. Si je passe par l'intermédiaire d'une monnaie locale, les 50 euros que je suis allé convertir contre 5 ans d'unité monétaire, je les ai confiés à mon association qui va les déposer sur un compte de nantissement pour garantir un outil de reconversion. Mais c'est sur un compte épargne éthique. En règle générale, on travaille le plus souvent avec la NEF ou le Crédit Coopératif parce que ce sont des banques éthiques, donc qui correspondent le mieux aux valeurs qu'on cherche à soutenir, même si c'est pas parfait, c'est au moins quand même, c'est une épargne qui est devenue transparente, qu'on peut suivre, sur laquelle on peut agir. Donc voilà, 50 euros qui deviennent de l'épargne éthique, contre laquelle j'ai un pouvoir d'achat, que je vais utiliser sur mon territoire, sous forme de monnaie locale. Donc j'ai 50 en épargne et 50 en pouvoir d'achat. Cette fois, j'ai 100. 100 dans la communauté et plus seulement 50. Ça donne un effet de levier et de possibilité d'expression économique, de développement économique donc sur mon territoire qui est différent. Et dans les monnaies locales, il va y avoir également tout l'aspect apprentissage d'une autre forme de gouvernance et apprentissage donc éducation populaire que je vais décliner un peu maintenant. Gouvernance, vous savez, on vit soi-disant dans une démocratie. Je dis soi-disant parce que pour moi, on ne vit absolument pas en démocratie. C'est un terme complètement dévoyé. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche plus. Les démocraties mondiales qui s'appellent démocratie ne fonctionnent plus parce que ce ne sont plus véritablement des démocraties. Et qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui à fonctionner autrement, à prendre des décisions autrement, et vous remarquez comme on est nous-mêmes pollués, parce que si on oublie la politique, mais si on regarde comment on fonctionne le plus souvent dans nos propres associations, combien il y a des jeux de pouvoir, combien il est difficile de se mettre d'accord sur un projet, et puis des choses où on reste dans le schéma de prendre des décisions à la majorité, donc il y a toujours les gagnants et les perdants sont frustrés et cherchent à avoir leur revanche, enfin bref, on est dans cette relation humaine de jeu gagnant-perdant qui est terrible, qui est porteuse de violence, qui est porteuse de conflits, qui nous conduit toujours à accoucher de projets en fin de compte mal ficelés parce qu'on n'a pas réussi à véritablement porter une chose commune, bref. Il existe aujourd'hui des outils de gouvernance qui nous apprennent à prendre des décisions au consensus ou au consentement, qui nous apprennent à communiquer, qui nous apprennent à écouter, à prendre en considération la différence de l'autre. Bref, on a un travail humain considérable en tant que citoyen. Il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus intelligent que nos politiciens. Il faut qu'on ne soit pas à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on soit vraiment des gens qui apprennent à nous respecter, à accepter la différence de l'autre, à mener un projet ensemble et à prendre une véritable décision sans qu'il y ait des frustrés. Et il faut sortir de ce jeu gagnant-perdant. Ça, c'est des mots faciles à prononcer. Mais j'ai pu vérifier dans le travail de mise en place du monnaie complémentaire et du vécu des monnaies complémentaires après, si on décide de s'engager dans ce genre de démarche, et c'est ça qui est important, parce qu'encore une fois, c'est pas de faire nos commissions avec un billet d'une autre forme, c'est d'apprendre, encore une fois, à devenir des citoyens responsables, des citoyens plus adultes, des citoyens plus solidaires. Et donc, tous ces outils éthiques, c'est le défi de notre siècle, de nous apprendre à sortir des schémas dans lesquels on a été élevés, sur lesquels le monde continue d'exister, mais dont on voit combien ça dérive, mais au point, écoutez, je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi, quand on voit le terrorisme qui peuple beaucoup de discussions aujourd'hui, le premier acte terroriste, c'est votre système économique mondial aujourd'hui, qui est une violence extrême. Mais comment ? Qui crée tellement d'exclusion, qui crée tellement de violence, de conflits, que ça se manifeste forcément, ça ressort forcément en furoncle, en excès, quelque part. Pour moi, c'est l'image de ce qu'on pose sans y penser, parce que justement, quand voilà, on parle, on a des beaux costumes cravates, de l'économie, avec des gens savants qui sont là, qui sont de grandes écoles, ça a l'air d'être formidable, sauf que ça accouche de cette violence, ça accouche de la destruction de la planète, ça accouche des inégalités odieuses au sein des populations. Bref, voilà, c'est à nous, ça ne tiendra pas d'en haut, c'est à nous de décider de le faire autrement. Et comme on est conditionné à faire ce qu'on nous a appris à faire, c'est énorme comme travail. Ça ne se fera pas en décidant seulement. On ne peut pas décider la paix, on ne peut pas décider l'harmonie, on ne peut pas décider le consensus. C'est des choses qu'on a à apprendre, à apprendre tout simplement, mais avec la bonne volonté, le véritable désir d'apprendre, et ça ne se fera pas tout seul. Mais ça n'est fait par exemple la monnaie de Toulouse, le sol de l'aide, qui ont créé 5 comités, où il y avait le comité des utilisateurs, le comité des prestataires, le comité des banques, le comité de la mairie, puisque la mairie était impliquée dedans. Bref, il y avait toutes sortes de comités différents. Et ils avaient décidé de prendre leur décision au consentement, hein, donc c'est-à-dire à l'unanimité, au consentement, le consentement étant un peu différent du consensus. Et ils s'étaient donné une petite sortie de secours en disant, dans le cas où on ne parviendrait pas au consentement, à l'unanimité au consentement, on prendra une décision aux deux tiers, à la majorité aux deux tiers. Ils n'ont pas eu besoin de la sortie de secours. Ça veut dire que on veut se donner véritablement les moyens, et quand on a une intention forte, ça ne se fait pas sans douleur, parce que là, encore une fois, on a besoin d'apprendre, mais c'est possible. Et là, je dis ça aussi au Québec, avec les amis avec lesquels on est en train de lancer une monnaie là-bas. C'est pareil, on a décidé de fonctionner là-dessus. Donc on va s'apprendre nous-mêmes à ne pas rester dans les schémas dont on vérifie tous les jours les dysfonctionnements. Voilà, donc les monnaies locales sont un excellent terrain où on va pouvoir s'amuser un peu, parce que c'est pas sérieux, quoi. On va s'amuser avec ça en même temps. Et voilà. Alors, ça pour moi, c'est les premières choses, enfin les premiers avantages d'une monnaie locale. Ils sont, à mon sens, déjà suffisants, mais il y en a d'autres. Et alors là, je vais vous emmener beaucoup plus loin, parce que je rentre dans une perspective d'avenir. Vous voyez que notre monde, tout de suite, on appelle ce mouvement, on voit bien qu'on est sur dans un passage, on a le mouvement de la transition, que vous connaissez peut-être pour beaucoup, hein, où on s'aperçoit que le 21e siècle, on a un pied dans l'ancien monde, et puis on sent bien que cet ancien monde n'est pas viable, et qu'il y a un nouveau monde à créer, sauf que ce nouveau monde à créer, il faut l'inventer, il n'est pas tout dessiné. Donc on est sur un siècle absolument extraordinaire, passionnant. C'est formidable d'être à une époque où on n'a pas uniquement à suivre bêtement ce qu'on nous a appris et à suivre les règles du jeu. On a tout à réinventer. Donc c'est absolument extraordinaire, terrifiant pour certains, on peut dire, et en même temps quelque chose de paniquant, parce que justement, c'est comme un marin en Moyen-Âge qui s'engageait, qui voulait traverser la mer sans savoir s'il n'y avait pas la planète plate qui s'arrêtait, puis boum, le gouffre dans lequel on est tombé. C'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que sera l'humanité à la fin du 21e siècle? Aucune idée. Ça peut être le désastre le plus complet, ça peut être le chaos le plus complet, si on continue justement dans le sillage de la pensée dominante actuelle. D'où cet enjeu absolument extraordinaire de poser les premières pierres de cette cathédrale qui est à construire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà quand même, on part pas complètement à l'aventure, parce que la vie nous offre un cadeau, parce que au travers de la crise, des crises justement, elle nous donne un tuyau. Elle nous dit sur quoi doit porter notre attention. On a deux crises majeures, parce qu'il y a plusieurs crises hein, qui s'empilent, mais je veux dire qu'il y a quand même deux crises majeures dont dépend même la survie de l'humanité. Il y a une crise monétaire au niveau mondial, global, la monnaie étant la représentation symbolique de la richesse. La monnaie n'est pas richesse en soi, ce n'est qu'une représentation symbolique. Hein. Si j'ai un kilo de tomates avec son prix dessus 5 euros, c'est la valeur, elle est dans les tomates que je vais manger parce qu'elles vont pourrir. Et puis dans ma tête, ça me permet de me dire, 5 euros, est-ce que ça vaut ça? Si j'estime que ça les vaut, j'achète. Si j'estime que c'est trop cher, j'achète pas. Donc, c'est uniquement un indicateur de la valeur que j'accorde à tel bien ou tel service. C'est pas la richesse en soi. C'est le bien ou le service, la richesse, la vraie richesse. Et donc, cette vraie richesse, justement, ben, c'est celle-là. Donc on a une double crise, une crise monétaire, une crise au niveau du symbole de la richesse, et une crise de la richesse réelle, puisqu'on a une crise écologique, hein, environnementale, épuisement des ressources, pollution de l'air, de l'eau, etc., crise climatique, bref, on a là une crise majeure de la richesse réelle. Parce que là, maintenant, on ne peut pas décider d'aller à la banque pour la changer, ou pour en acheter une autre. Et chose très symboliquement forte également, c'est que les thérapies, les solutions qu'on nous propose pour régler ces crises sont contradictoires. D'un côté, on nous dit que pour relancer l'économie, il faut relancer la croissance, produire plus, consommer plus. Et puis de l'autre côté, on nous dit que bah, écologiquement, ce serait peut-être bon de mettre la pédale douce, d'avoir beaucoup plus de sagesse, et donc d'aller vers une sobriété et une intelligence, développer une économie, une production cyclique et non pas linéaire. Bref, il faut repenser les choses. Or, pour le moment, bien, si on favorise ou si on veut régler la crise économique, et puis on accélère la dégradation environnementale, et si on met toute notre attention sur l'environnement, on accélère la crise économique, parce qu'elles ne sont pas compatibles telles qu'on les conçoit. Donc on a, ça nous indique que notre grand défi, c'est de sortir de cette contradiction. Et pour le moment, on ne sort pas de cette contradiction. On essaye de jouer avec les deux. On voit bien, hein. Tout de suite, on a eu des projets CETA, des TIP, etc., pour développer encore les mouvements de marchandises, les échanges internationaux, etc. Et puis, on a COP21, COP22, où on est conduit pour résoudre ou essayer de résoudre les choses à faire du greenwashing, c'est-à-dire de la croissance verte. Voilà. Alors donc, on a l'illusion que ce gars, on a marqué les deux et que tout va aller sur le jeu. J'y crois pas une seconde, mais en tout cas, voilà, c'est comment on se piège soi-même dans les crises que nous avons. Et donc, nous devons sortir. La vie, pour moi, est très intelligente, beaucoup plus intelligente que nous, et nous montre concrètement ce que nous avons à résoudre. Il faut sortir de cette contradiction et repenser la richesse. C'est ça. Elle nous donne un message, la vie. Super sympa. Bon, faut le voir. Et on a en plus des événements qui se sont passés et qui, alors la bonne nouvelle, il n'y a aucun obstacle réel, physique, à freiner, empêcher la création d'un monde de suffisance pour tous, d'équité, de respect, de dignité et respectueux de la planète. Tout est là. On a, en termes de moyens, de connaissances, de technologies, tout est là. Il n'y a aucun obstacle extérieur. Le seul obstacle, il est dans notre conditionnement mental, dans notre façon de penser la vie, de voir la vie. Et il s'est passé des choses dans les années 70, absolument extraordinaires, qui auraient dû nous interpeller suffisamment pour dire « Ok, ça va, maintenant, On est sorti, je dirais, de la période de la survie et on va pouvoir entrer dans l'intelligence de la vie à condition de changer nos modèles. Je vois trois grands changements qui sont intervenus dans les années 70 qui auraient dû nous inviter à changer. Malheureusement, on ne l'a pas fait et c'est pour ça qu'on est en crise. Le premier, c'est que l'offre est devenue supérieure à la demande. L'offre, c'est donc le potentiel de production, hein, tout ce qu'on produit en termes de tous les produits, services et autres. L'offre est donc l'outil de production mondiale est devenu potentiellement bien supérieur à la demande. Donc c'est un événement ou un contexte qu'on n'avait jamais connu. L'humanité, jusqu'à cette période, a toujours eu des problèmes ou des difficultés sur le plan purement quantitatif. Si on mourait de faim autrefois, c'est qu'on n'arrivait pas à produire en suffisance, d'autant plus qu'il y avait des famines, des mauvaises saisons, des difficultés, on ne savait pas stocker, bref. Voilà, autrefois on mourait de faim par manque de nourriture. Aujourd'hui on manque toujours, on meurt toujours de faim, et de façon impressionnante, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, et d'enfants particulièrement, qui meurent tous les jours de malnutrition dans ce monde, non pas par manque de nourriture, par manque d'argent pour accéder à la nourriture, à l'eau potable. Il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui dans ce monde. On va sur la Lune, on envoie des engins dans notre galaxie, on sait faire des choses absolument extraordinaires, mais on n'est pas capable de donner de l'eau potable à tout le monde. Ça coûte trop cher. Donc voilà, sur le plan quantitatif, on a résolu l'aspect quantitatif de la production, on aurait dû se dire à ce moment-là, bon, hop, ok, changeons de modèle économique, c'est l'économie la plus maintenant besoin de produire toujours plus. Mais peut-être que ce serait intelligent de produire mieux, parce qu'il y avait en plus la démographie, beaucoup de personnes, la planète qui se peuple, donc réfléchir à ces choses. Le deuxième grand changement, ça a été l'information, je ne dirais pas la prise de conscience, parce que la prise de conscience n'a pas eu lieu, mais le Club de Rome, au début des années 70, avait demandé une étude au Massachusetts Institute of Technology pour savoir si le modèle de croissance, la croissance qui est sous-jacente et incontournable dans le modèle économique actuel, était un modèle pertinent, un modèle d'avenir. Et ce rapport a été sans embâche. La croissance est un modèle en impasse. Et il prévoyait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez que d'ici les années 2020, 2030, si on ne changeait pas, si on restait englué dans ce modèle, eh bien on allait dans le mur. Et qu'est-ce qu'on entend tous les jours par nos experts économistes et politiques? Il faut relancer la croissance. Il n'y en a pas un qui ignore ce rapport. Ce n'est pas un petit bouquin qui a circulé sous le manteau. Hein. Il a été traduit dans plus de 20 langues, il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Enfin, tous les responsables de la planète ont connaissance de ce rapport. Mais on reste bien droit dans nos bottes, comme on dit, et on continue à croire dans la nécessité de la croissance parce qu'on ne voit pas comment faire autrement. Et puis le troisième grand changement absolument considérable, dont on n'a pas non plus tenu compte, c'est la fin de la matérialité de la monnaie. Jusqu'en 1971, la monnaie était encore reliée, quand je dis la monnaie, c'est la monnaie en termes global sur la planète. La monnaie était encore reliée à l'or, car le dollar américain était à ce moment-là, et depuis 1945, le dollar était la seule monnaie convertible en or. Et toutes les autres monnaies s'appréciaient par rapport au dollar. Ça veut dire que jusqu'en 1971, la logique monétaire, c'était la possession de l'or. C'est l'or qui représentait la valeur monétaire qui circulait sous forme de billets, de pièces, de chèques, de traites, etc. La valeur monétaire qui circulait sur la planète était quand même reliée à un certain niveau à une matière précieuse qui est l'or. On savait parfaitement qu'il y avait beaucoup plus de valeur papier que de valeur or, mais bon, on fermait les yeux et le système tournait comme ça. Sauf que, encore une fois, seuls les États-Unis avaient une monnaie convertible en or, et comme les États-Unis étaient englués dans leur guerre du Vietnam, et qu'on savait que le dollar papier inondait le monde, il n'avait plus aucune relation réelle avec les stocks et la valeur or détenue dans les coffres de Fort Knox, la France entre autres, et l'Allemagne en particulier, ont commencé à demander la reconversion de leurs réserves dollars en or. Et là, les Américains se sont dit « Oups, ça va pas des lois, notre affaire, parce que si tout le monde fait pareil, on est foutu, on va jamais pouvoir reconvertir tous les dollars en or. » Ils ont quand même eu l'intelligence, ils se sont dit « De toute façon, États-Unis, première nation, première puissance dans le monde, on décide arbitrairement que notre dollar n'est plus convertible. » En ajoutant d'ailleurs à l'époque, le dollar est notre monnaie et votre problème. Et donc, depuis 1971, les monnaies, toutes les monnaies de ce monde, sont devenues de simples unités virtuelles, de compte, des unités de compte virtuelles, créées par de simples règles humaines. Je vous demande d'y penser, d'essayer de bien comprendre ça, parce que ça rebondit souvent sur votre cerveau, parce que c'est tellement décalé par rapport à la représentation qu'on a de la monnaie générale, que c'est quelque chose, c'est une notion qui est difficile à comprendre. La monnaie n'étant plus rattachée à aucune matière, elle n'existe plus. Elle n'existe que si on décide de la créer. Et pour la créer, bon, actuellement, c'est le système bancaire qui la crée, selon certaines méthodes que je vais vous survoler dans quelques instants. Et donc voilà, autrefois on nous disait « Oh, les coffres sont vides ». On continue à nous dire que les coffres sont vides. Hein. Parce que les coffres, ah oui, et quand la monnaie est matérielle, que si la monnaie c'est des pièces d'or et d'argent, et s'il n'y en a plus dans le coffre, faut bien que j'aille les chercher quelque part. Tandis que maintenant ça ne peut plus arriver. Comme la monnaie est créée par des règles du jeu qui sont édictées par les êtres humains eux-mêmes, s'il manque de la monnaie, eh bien, on n'a qu'à la créer. Et si on n'y a pas, et si on ne la crée pas, c'est parce qu'on s'interdit de le faire. C'est complètement différent. Alors quand on nous dit « Ah, on ne peut pas faire, il y a des dettes, on n'a plus d'argent », c'est un énorme mensonge. On devrait nous dire « Nous nous interdisons de créer la monnaie pour ceci ou cela ». Ça, ce serait bien plus honnête. Mais non, on nous fait croire qu'on est comme encore autrefois, dans un contexte de monnaie matérielle rare. Et c'est ça qui habite notre cerveau. D'abord parce qu'on a des siècles d'habitude qui étaient ancrées sur une réalité et qu'on ne nous a pas démenti les choses depuis 1971 parce qu'on continue à faire avec de la monnaie virtuelle exactement comme si c'était la monnaie reliée à une matière, l'or. Alors quand la monnaie c'est une matière, eh bien, elle a évidemment une existence propre, elle a une valeur propre, hein, l'or c'est une valeur côté sur le marché, elle est rare, puisque l'or c'est rare, donc elle peut manquer, et quand elle manque, ben, dans ce cas-là, il faut l'emprunter à ceux qui en ont, et on est exactement dans ce schéma aujourd'hui. Mais ce qui devrait être, ça c'est avant 1971, je ne sais pas si vous voyez sur les côtés, bon, je représentais ici un orpailleur ou un chercheur d'or qui est avec son petit ami au bord d'une rivière et qui cherche des pépites d'or. Voilà, avant 1971, le monde c'était ça, hein, fallait avoir de l'or. Donc on a notre orpailleur qui a là quelques petites pépites dans le fond de son tamis, et sa vie, son pouvoir d'achat, ce qu'il peut faire, dépend de la quantité d'or qu'il aura récolté dans son tamis. Le contexte humain de l'humanité, avant 1971, c'était ça. Et depuis 1971, c'est comme si votre bonhomme avait abandonné son tamis et puis rencontré sur son chemin la lampe d'Aladin. Il suffit maintenant qu'il définisse un projet, un désir. Ah, voilà ce que je voudrais. Boum, je caresse la lampe et bim, voilà mon désir réalisé. Ça a l'air un peu naïf et complètement délirant de dire les choses comme ça, et pourtant, c'est la réalité. Ça pourrait être la réalité de notre monde aujourd'hui. À partir du moment où c'est l'humain qui décide de la création de la monnaie dont il a besoin, On n'a plus besoin de se taper, de se casser la tête pour savoir où trouver l'argent. Je parle surtout au niveau collectif. Hein. Parfois, c'est pas le pouvoir de créer la monnaie n'appartient pas à un individu, ça appartient à la collectivité. Et donc voilà. Donc, justement, en termes de nature, en termes de pouvoir de création monétaire, pour bien comprendre à qui ce pouvoir revient. Je l'écris tout à l'heure une petite histoire. Si je vais au marché, je vois depuis des années le même paysan, je lui prends mes légumes, mes machins, mes fruits, tous les samedis. Et puis, toujours là, je lui dis, tiens, avec mes gamins, en ce moment, on est en train de penser un petit peu à réfléchir sur l'économie, sur l'argent. Alors, si on se fait une expérience entre nous, là, on se connaît depuis suffisamment longtemps, au lieu que je te paye de l'argent, est-ce qu'on pourrait faire du troc? Oui, pourquoi pas, on peut s'amuser à ça. Alors, je lui dis, bon, ben voilà, t'as vu ce que je viens de prendre, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Mon paysan, il réfléchit, puis il dit, écoute, non, la seule chose dont j'ai besoin tout de suite, c'est de remplacer les pneus de ma camionnette et puis de réparer l'électricité dans ma grange. Ben, il dit, ben oui, ben alors là, je ne crois pas que ce que je t'ai pris correspond en valeur, et puis de toute façon, les pneus, oublie ça, j'en ai pas, mais je saurais pas faire. Quand t'as l'électricité, si tu veux un incendie chez toi, t'as qu'à me demander. Donc, oublions tout ça, puisque on peut pas s'accorder, donc on va en revenir à la bonne vieille méthode, je vais te payer, combien je te dois, 20 euros. Ce billet de 20 euros, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une reconnaissance de dette sur lequel il y aurait le texte suivant. Le porteur de ce billet reconnaît avoir répondu aux besoins d'un des membres de notre communauté, hein, le paysan a correspondu aux besoins que j'avais en fait, de légumes, fruits et autres. Donc, le vendeur de ce billet reconnaît avoir répondu aux besoins d'un des membres de la communauté, mais n'a rien reçu en retour pour ses propres besoins. Et il pourra maintenant aller chercher dans la communauté satisfaction à ses propres besoins à la hauteur de la somme qui figure sur ce billet. Donc la monnaie, la véritable nature profonde de la monnaie, c'est une reconnaissance de dette circulante. Moi, si je la possédais, c'est parce que j'ai répondu aux besoins de quelqu'un d'autre. Je l'avais, j'ai détenu, ça m'a permis de transférer cette reconnaissance au paysan qui ira à un moment quelconque chercher satisfaction à ses propres besoins dans la communauté auprès de ceux qui peuvent répondre à ce besoin. Parce que moi, je me suis libéré. Moi, je ne suis plus en dette. Ce n'est pas une dette que j'ai envers le paysan. J'ai transféré une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette, en fait, de la communauté. C'est l'être collectif qui va pouvoir répondre aux besoins de ses membres. C'est pour ça que la nature, la véritable nature profonde de la monnaie, c'est une dette de la collectivité en reconnaissance du travail ou de la richesse produite par ses membres. C'est donc un outil dont se dote une communauté pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir reconnaître d'une part la richesse produite et faciliter son échange. Donc ça veut dire que le pouvoir de création monétaire, le pouvoir d'émission monétaire, appartient à la communauté et non pas à l'un des membres de la communauté. Or, dans notre système, dans notre monde actuel, et parlez-en aux Grecs, vous verrez ce que ça fait, mais on sait aussi nous-mêmes, hein, aujourd'hui, c'est devenu une reconnaissance de dette de la communauté à l'égard des banques privées. Donc c'est comme si ici, voilà, on est un peuple sur une île, et on a confié le pouvoir d'émission monétaire à l'un de nos membres qui représente le système bancaire. Donc c'est une personne qui va décider, selon ses propres critères d'entreprise privée, de la monnaie qu'elle va émettre. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de souveraineté populaire. On est tous des petits-enfants, là, allons demander au système bancaire « S'il vous plaît, vous voulez bien financer le projet ?» Où est notre souveraineté de peuple? Où est la démocratie là-dedans? Il n'y en a plus, du tout. C'est justement la création monétaire par le système bancaire est légale, puisque c'est devenu comme ça et que ce sont d'ailleurs nos politiciens qui ont transféré ce pouvoir de la nation au système bancaire, mais il est pour moi illégitime, il n'a pas de légitimité, parce que la légitimité appartient à la communauté. C'est à un peuple de se déterminer dans ses projets, dans ce qu'il veut exprimer et échanger comme richesse, et il va se doter de cet outil pour faciliter ça. Quand c'était une entreprise privée, donc le système bancaire, il ne travaille pas pour le peuple, il travaille pour l'intérêt de ses actionnaires, et on ne peut pas lui reprocher, c'est la vocation d'une entreprise privée, on ne demande pas à l'entreprise privée de sauver le monde. L'entreprise privée travaille pour ses actionnaires. Alors que si c'est qu'un peuple qui s'organise pour émettre sa propre monnaie, à hauteur de ce qui est nécessaire pour valoriser la richesse et l'échanger, alors elle peut le faire sur des critères de bien commun et pas d'intérêt particulier. Vous voyez l'énorme différence et l'énorme bourbier dans lequel on est, tout simplement justement parce que la monnaie aujourd'hui est aux mains d'une entité illégitime, qui ne peut pas et qui ne veut pas, parce que ce n'est pas dans sa mission, d'émettre la monnaie pour le bien des peuples. Ce n'est pas sa vocation. Alors comment est créée la monnaie aujourd'hui? Alors, je vais commencer quand même rapidement, parce qu'il y a une conférence à faire, rien que là-dessus, mais c'est uniquement pour que vous sachiez quelle est l'analogie de la lampe d'Aladin. J'ai besoin de 10 000 euros, je vais voir un banquier, mon banquier, je lui explique ma situation, il va regarder si j'ai la possibilité ou l'envergure suffisante pour pouvoir lui rembourser ces 10 000 euros dans le temps. Et puis là, dans le cas présent, s'il estime que oui, je peux, je vais signer un contrat d'emprunt, de crédit, un paquet de crédit, et pour lui, ça devient quelque chose que je lui dois. Donc il peut comptablement, caresser la lampe d'Aladin, c'est une opération comptable, tout simplement. Il va prendre son beau stylo, ou plutôt son index préféré pour taper sur le clavier de son ordinateur, et il va mettre dans l'actif de la banque 10 000 euros, parce que je lui dois. Et puis il va mettre en même temps, au passif, il m'a dit compte, 10 000 euros, parce qu'il les met sur mon compte. Donc il m'a dit, ok, je vous fais crédit, je vais les avance. Donc il met 10 000 euros sur mon compte, et 10 000 euros à l'actif que je lui dois. Donc c'est un échange de dette, en fin de compte. Mais il n'a pas eu besoin d'aller ouvrir un tiroir et de dire, oh, alors, attendez, je vais regarder quand même si j'ai bien 10 000 euros qui traînent quelque part. Pas besoin. Il crée 10 000 euros, tout simplement sur l'assurance que j'ai la capacité de lui rembourser. Donc c'est uniquement, voilà, il a créé 10 000 euros qui viennent de s'ajouter à la masse monétaire préexistante. Si on se représente le monde, que le monde soit cette baignoire, l'ensemble, la totalité de l'argent dont vous avez chacun une parcelle dans votre poche ou sur votre compte en banque, la totalité de l'argent qui circule dans le monde, est le rapport du flux qui existe entre la monnaie qui tous les jours est créée chaque fois qu'un crédit est consenti. Donc voilà, le robinet d'eau coule, ce sont tous les crédits qui tous les jours sont consentis, des entreprises, des particuliers, des États, des collectivités locales, etc. Et, le flux à l'évacuation, parce que tous les jours, il y a des crédits, des échéances qui sont remboursées. Donc, création ici, destruction là. La monnaie, quand elle est remboursée, quand on rembourse un crédit, elle est effacée. Hein. Elle est détruite, elle n'est pas mise quelque part. Elle est détruite. Et donc, ce qui existe ici, là, c'est la différence qui existe entre le flux qui est là et le flux qui est là. Sauf que vous le savez, quand vous empruntez de l'argent, quand vous demandez un crédit à une banque, elle vous demande toujours de lui rembourser plus que ce qu'elle vous a prêté. S'il m'a prêté 10 000 euros, je lui dois peut-être 10 500, 11 000, 12 000, 15 000, selon le taux d'intérêt, selon l'échéance. Donc il y a une difficulté arithmétique là. C'est que ici, si on devait tous rembourser, tous dans le monde aujourd'hui, si tout le monde était obligé de rembourser nos emprunts, il n'y aurait plus du tout d'argent dans la baignoire. Non seulement il n'y en aurait plus, mais probablement qu'il en manquerait encore, on en devrait encore. Parce que la monnaie, il y a cette différence arithmétique qui est impossible et qui justifie pour le moment le pouvoir de croissance. Puisque l'intérêt n'est pas créé ici et qu'il est demandé là, il faut qu'il y ait toujours plus de demandes d'argent pour qu'il y ait assez de monnaie dans le banc pour pouvoir faire face aux échéances et rembourser le capital et les intérêts, ceci étant lissé dans le temps. Bon, voilà, j'ai survolé un peu la question, c'est un peu plus complexe que ça, c'est plus subtil que ça, mais le principe, c'est ça, la monnaie, ça c'est dit, si vous allez sur le site de la Banque de France ou de n'importe quelle banque centrale, c'est expliqué, on dit bien que la monnaie est créée par le système bancaire privé, par le crédit. Et c'est ça qui... Vous voyez comment on est ficelé avec la croissance dans ce système. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a plus assez d'argent ici. Donc, les gens ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Il y a défaut de paiement, faillite d'entreprise, etc. Donc, il n'y a plus de demande de crédit, puisqu'on n'a plus d'argent. Donc, le flux ici se tarit. Et donc, le niveau global de la monnaie disponible dans le monde baisse. Et plus ça baisse, plus ça entraîne des faillites, plus ça entraîne de chômage, plus ça entraîne de défauts de paiement, etc. Moins de demandes de crédit, enfin, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à un système complètement opposé à ce qu'il devrait être, puisqu'on est dans un système où la monnaie est devenue une dette de la collectivité à l'égard des banques, partout dans le monde, alors que normalement la monnaie devrait être une dette de la collectivité en reconnaissance du travail fourni par ses membres. C'est ça que dans nos monnaies locales, on a besoin de restaurer. Ça ne pourra pas se faire en claquant des doigts, ne serait-ce que parce que, comme je vous l'ai dit, nos monnaies locales sont encadrées par l'euro. Donc on n'a pas le pouvoir de création monétaire à ce niveau-là. Mais au moins, il faut que l'information circule, il faut que dans ce travail d'éducation populaire, il faut que les citoyens à la base comprennent qu'on est manipulé, conditionné tous les jours à considérer la monnaie de façon complètement inappropriée, de sorte que on passe l'essentiel de notre vie à essayer de résoudre un problème qui n'existe pas. Trouver des sous, mais c'est hallucinant. On a des possibilités, des connaissances, des technologies, des moyens considérables, et on réduit ça à une peau de chagrin, tout simplement parce qu'on dit « oui, mais il n'y a pas d'argent ». C'est une insulte à nos prédécesseurs, à nos générations passées, qui elles n'avaient pas de moyens et qui faisaient comme elles pouvaient, alors que nous on a absolument tout et on est toujours aussi incapable de servir les besoins essentiels de plusieurs centaines, voire milliards de personnes sur la planète. Donc on est dans ce système pyramidal où ce sont les banques qui sont en haut de la pyramide. Dans notre modèle, on conçoit que ce sont les banques qui ont l'argent, les entreprises empruntent l'argent pour payer leur matériel, investir, payer leur trésorerie, etc. Elles utilisent la main-d'œuvre pour produire leur production, les ménages dépensent leur argent dans les entreprises qui peuvent rembourser les banques. Dans le système, c'est la banque qui est le pilote de l'avion. Et donc, dans le cas de difficultés d'affaiblissement du système bancaire comme actuellement, eh bien, toute l'action est naturellement engagée pour sauver les banques. Parce que si on ne sauve pas les banques, c'est toute la pyramide qui s'effondre. Et c'est pour ça qu'on sauve les banques et pas les peuples. Et donc, ce qu'on doit apprendre, nous, à partir de nos monnaies locales, pour moi, c'est cette vision qui ne s'incarnera pas immédiatement. Ça peut demander plusieurs décennies. J'espère que ce sera une réalité à la fin de ce siècle, mais peut-être autre chose, parce que là, je fais que vous partagez ma vision. Ce sera à nous, collectivement, de construire la vision de ce que doit être le monde demain, mais au moins, ça donne une piste, quoi. Ça donne une orientation de réflexion. À partir du moment où la monnaie se crée à partir de rien, on l'évacue complètement de la réflexion. Pourquoi se soucier de dire comment on va financer quelque chose dans la mesure où on sait qu'on peut la créer comme on veut. Donc tout le travail humain, c'est de développer un débat public quasi permanent à partir du local, parce que c'est toujours au local que les choses doivent prendre leur réalité, sur les grands sujets de société. Qu'est-ce qu'on veut comme éducation pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé publique? Qu'est-ce qu'on veut pour la justice? Qu'est-ce qu'on veut pour la transition écologique? Bref, il y a des sujets, on n'en manque pas. Et des sujets, là, on va pouvoir y réfléchir, non pas par rapport à l'enveloppe, à un budget, on dit, ben avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Non. Plus on a évacué complètement la question, on va pouvoir réfléchir à l'échelle de société dans l'idéal et dans la fabuleuse diversité de moyens qu'on a à notre disposition. Donc là, on va pouvoir accoucher de, non pas d'une solution, mais d'un panel de solutions et rentrer peut-être dans une biodiversité de solutions dans lesquelles chacun pourra trouver sa place. Donc un débat public permanent duquel émergeront des projets concrets. Et quand ce projet concret émerge, les questions qu'on a à se poser sont encore une fois des questions de richesse réelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on a les connaissances? C'est probablement que oui, de temps en temps, on en a. Est-ce qu'on a les technologies? Très certainement, on doit les avoir. Est-ce qu'on a les ressources humaines? On les a certainement, c'est plusieurs centaines de millions de personnes au chômage et exclues dans le monde, plus toutes celles qui se cassent les pieds dans leur travail et plus toutes celles qui viendront au chômage parce qu'on est aussi au début de l'ère de l'intelligence artificielle qui va remplacer de plus en plus de personnes à la production, etc. Donc on aura de plus en plus de personnes et d'intelligences disponibles. Bravo. Est-ce que le projet qu'on a, est-ce que ça ne satisfait que nos petits désirs à nous mais que ça peut avoir des nuisances pour nos voisins? On doit concevoir des choses qui sont modélisables et servir également les autres sur la planète. Et puis, grande question, est-ce que notre projet est compatible avec ce que la planète peut soutenir? Parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, on peut accoucher de projets complètement délirants. Donc, la limite, ce n'est plus la quantité d'argent dont on peut disposer, ça c'est évacué, mais la véritable limite, c'est dans nos prétentions, dans nos projets, dans tout ce qu'on peut faire, est-ce que c'est compatible avec le planète de soutenir pour s'accorder complètement à la vie et pour ne pas gaspiller notre planète? Et si c'est oui partout, alors à ce moment-là, on se dit combien ça va coûter. Et ça va coûter l'ensemble des rémunérations qui seront versées aux acteurs engagés pour la réalisation de ce projet. 500, 1000, 10 000, 500 000, 1 million, 1 milliard. Seulement que quelques euros sur l'écran d'ordinateur. Hop, c'est créé par un organisme public d'émission monétaire sous contrôle et mandat citoyen. Monnaie qui va être mise à ce moment-là en circulation au travers du système bancaire traditionnel, qui va pouvoir le renouer avec son véritable travail qui est de gestionnaire des comptes et des flux, et qui pourra donc financer et permettre à ces projets de se réaliser. Après, il faudra mettre en place un système de destruction de la monnaie par la fiscalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bien commun est financé par la fiscalité, donc la redistribution de la monnaie, dont on sait que la majorité des gens fortunés, en règle générale, cherchent à échapper, non, c'est un enjeu international. Donc, la fiscalité telle que conçue comme recette pour financer le bien commun n'existe plus, mais la fiscalité continue d'exister pour détruire la monnaie qui sera créée, pour éviter que la masse monétaire augmente trop et crée de l'inflation. Bon, ça c'est la vision globale, mais qui nous donne une piste pour sortir du schéma qui est ancré là, hein, parce qu'il faut bien comprendre que pour l'instant on est complètement conditionné. Non pas qu'on soit bête, on est conditionné parce qu'on nous a appris depuis tout petit, puis tous les jours il faut fonctionner dans cette logique, il va falloir s'extraire de ça. Et c'est pour ça que notre monde fonctionne à l'envers aujourd'hui. Je le résume dans une petite phrase en disant que la logique du monde aujourd'hui rend artificiellement rare ce qui est infini, c'est-à-dire la monnaie. Hein, on vit dans une logique où on rend rare ce qui est infini, la monnaie. Au nom de quoi on considère infini ce qui est rare, les ressources de la planète. Cet renversement des choses n'est pas durable, n'est pas intelligent et génère tous les dysfonctionnements qu'on peut connaître sur la planète actuellement. Notre travail à nous, les citoyens, dans ce 21e siècle, c'est de remettre les choses à l'endroit. Et donc, de remettre la vraie richesse en premier et de faire en sorte qu'à la fin, la monnaie soit un sujet dont on ne parle plus, sauf au moment où on a décidé d'un projet, on se dit, bon, combien ça coûte, parce qu'on sait que ce projet sera utile et épanouissant pour tous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Moi, je crois que c'est possible. C'est la destinée de l'être humain aujourd'hui. Je crois dans l'être humain profondément. Je crois dans son génie. Je crois dans sa valeur. Je crois dans sa nature. Beaucoup de personnes disent, oh, la nature humaine, l'être humain est mauvais, donc voilà, on a toujours la conséquence de la violence, etc. Pour moi, c'est la nature égotique de l'être humain qui le rend incapable d'incarner ses valeurs aujourd'hui. J'ai pu constater dans mon propre parcours, comme j'étais comme très fragilisé et marginalisé pour un temps, j'ai pu voir, j'ai été mis en contact physique, psychologique et autres, combien les peurs qui me peuplaient, que je n'identifiais pas, mais que j'ai pu identifier au fur et à mesure que j'étais, que je rencontrais des difficultés et que je me marginalisais, j'ai pu voir combien les peurs qui m'habitaient me conduisaient à poser des actes incohérents et contraires à mes propres valeurs, tout ça pour essayer de gagner des sous. Quand on a pour le moment, je suis persuadé, quand on a pour le moment la vision que la vie est dure, que la vie est dangereuse, que la vie est injuste, que la vie a plein d'aléas. Et c'est normal qu'on voit ça, parce que c'est vrai, il y a des aléas, puis au bout de la vie, il y a la mort. Et puis ça, en Occident, on l'aime pas trop. On est très fâché avec ça. Donc il y a toutes ces peurs, il y a tous ces inconnus, il y a tous ces doutes qui font que naturellement, la peur nous habite. On ne peut même pas la peur. Donc on va faire en sorte d'essayer de se protéger de la peur, de se couper de la peur pour ne pas la ressentir. Et les meilleurs moyens qu'on a à notre disposition, qu'on a développés, bah c'est amasser. Pour éviter la peur de manquer, pour éviter pour pouvoir répondre aux aléas de la vie, je crois, ou je vais naturellement poussé par mon ego à amasser de l'argent, amasser des biens, ça me donne l'impression de construire un château fort qui va me donner la possibilité de me mettre à l'abri des aléas du lendemain, voire aussi de pouvoir les transmettre à mes enfants pour qu'ils soient plus protégés que moi. C'est, on est dans cette logique, hein, aujourd'hui, d'amasser, tout simplement pour se mettre à l'abri. Et pour transférer, et pour transmettre à nos enfants en espérant qu'ils auront une vie meilleure. C'est le schéma dans lequel on est engagé, parce que c'est la peur fondamentale de la vie qui nous pousse. Et comme on croit qu'elle n'a pas assez pour tout le monde, eh bien c'est la compétition, on se transforme en gladiateur dans l'arène. Ou même si on a des amis, même si on parle de relations humaines, bah cette relation humaine, elle est quand même très souvent conflictuelle, parce que l'autre représente un danger, l'autre prend un morceau de ce qui me revient, et donc on s'aime bien peut-être dans certaines circonstances, mais dans d'autres, si l'autre devient un danger ou une menace, eh bien j'essaie de passer dessus. Donc, on le voit vraiment dans les associations, dans les entreprises, dans notre monde aujourd'hui, on est dans cette compétition, dans ce conflit, parce qu'on a peur. Peur de la vie, peur de l'autre, peur de moi. Et cette peur me conduit, eh bien, à ne plus vivre, à nous couper de la vie, tout simplement. Et le grand défi aujourd'hui, maintenant, grâce au fait qu'on sait produire en quantité, grâce au fait qu'on a des informations, grâce au fait qu'on a absolument tous les atouts dans les mains, on peut apprendre aujourd'hui à vivre, non plus à survivre, mais à vivre. Et pour ça, il faut se reconnecter avec la vie qui est notre planète, la vie qui est l'intelligence des autres, la vie qui est notre nature profonde, qui n'aspire qu'à la paix, à la joie, à l'harmonie et à l'amour. C'est ça qui nous habite, c'est ça qu'on est capable d'exprimer, et on va l'apprendre dans ce jeu aussi anecdotique que sont les monnaies locales. Il n'y aura pas que ça sans doute, mais c'est un jeu spécifique justement parce qu'il est complètement lié à la valeur, complètement lié à la richesse, et complètement lié au défi de citoyenneté et d'humanité qu'on a relevé. Merci. On peut, pour Philippe, déjà en poser une qui ressort. En gros, la question c'est, lorsqu'on a des citoyens et lorsqu'on a une idée de monnaie locale, par exemple pour l'abeille, est-ce qu'on peut la reconvertir en euros et chez nous? Alors la loi prévoit que les utilisateurs ne peuvent pas reconvertir la monnaie locale qu'ils ont déjà échangée, hein, échanger des euros contre la monnaie locale, on ne peut pas faire la marche. Dans l'autre sens, les titulaires ne peuvent pas reconvertir de nouveau la monnaie locale en euros. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs? Puisque si j'échange 50 euros ou 100 euros, c'est parce que je sais que ça correspond au budget dont j'ai besoin pour pouvoir aller faire mes achats chez les commerçants qui l'acceptent. Ce n'est pas comme si je recevais tout mon salaire et tous mes revenus en monnaie locale, c'est différent. Là, j'adapte la quantité de monnaie locale que je prends en fonction de mes besoins. Ce qui n'est pas le cas pour les entreprises qui, elles, reçoivent de la monnaie locale souvent en quantité supérieure à ce qu'elles peuvent utiliser. Et donc la loi prévoit que la monnaie locale peut être convertie par les prestataires professionnels, mais pas par les utilisateurs. Si elle ne circule pas, tout le monde va s'ennuyer rapidement et ça va s'éteindre. Là, il y a tout un travail à faire, tant au niveau des utilisateurs que des prestataires. Les prestataires, d'ailleurs, très souvent, pour la reconversion, autant cherche à donner un bonus, souvent dans la conversion euro-monnaie locale, autant ce bonus qui est donné à cet endroit-là est repris au moment de la reconversion éventuelle monnaie locale euro, où là, le commerçant ou le prestataire sera remboursé à 95% et non pas non plus à 100 ou à 105. Ça, c'est pas une pénalité, c'est une contribution, puisque c'est 5% que contrebalancer le bonus qui peut donner à l'entrée. Et c'est également une incitation pour dire vous pouvez éviter cette reconversion si vous faites en sorte d'être suffisamment inventif pour apprendre toutes sortes de moyens, développer toutes sortes de moyens pour faire circuler le mieux possible la monnaie. Oui, j'ai plusieurs questions qui concernent le lien entre l'euro et la monnaie locale. Par exemple, si la monnaie locale est endossée à l'euro, comment peut-elle être indépendante des fluctuations boursières? Ou alors des questions du type, si on imagine la naissance de beaucoup de monnaie locale, est-ce que l'euro va s'affaiblir, va se valoriser? Et autre question, si on crée beaucoup de monnaie locale, est-ce qu'on va faire de l'inflation qui va faire baisser la valeur de cette monnaie-là? Il est certain que si la monnaie ne circule pas ou peu dans un réseau et fait juste un aller-retour entre monnaie locale dépensée chez le commerçant qui est reconvertie vers des euros, casino mondial reviendront dans le circuit et en fin de compte, il n'y aura eu qu'un décalage dans le temps qui n'aura pas été très, très propice. Donc le véritable travail, c'est pour ça, c'est de développer une circulation de façon à ce que les euros puissent être utilisés en termes d'épargne éthique, donc soutenir de l'économie réelle au travers de projets soutenus par des banques éthiques, comme la NEF, entre autres, qui ne soutient que des projets écologiques, humanistes, culturels, etc. On peut même choisir, donc là on est dans l'utilisation de cette monnaie en termes d'économie réelle éthique, et parallèlement, tant que la monnaie locale circule, elle circule à 100% dans l'économie réelle du territoire. Et donc voilà, ça va vraiment dépendre, plus on va être capable de faire circuler la monnaie, ça se fait pas encore une fois dans un claquement de doigts, ça va prendre des années, et plus on développe ça, plus on est cohérent par rapport aux défis de notre temps. Je ne représente pas les monnaies locales, je crois d'ailleurs qu'elles n'ont même pas cette vocation ou cette ambition de devenir des poids lourds de l'économie. C'est vraiment un terrain. La vocation première, c'est pour moi de l'éducation populaire, c'est de la pédagogie, c'est vraiment nous aider à sortir de la prison mentale dans laquelle on est aujourd'hui et qui fait que très souvent, même si on n'aime pas le monde tel qu'il est, on en est complice parce qu'on ne sait pas à quoi on contribue et parce qu'on est mal informé et qu'on est conditionné, c'est la même chose. Donc pour moi, la vocation première de la monnaie locale, c'est plus ça que l'économie. Il ne faut pas le nier, l'économie, c'est important, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de soutenir la richesse de notre territoire. Ça fait partie du jeu, particulièrement de l'urgence actuelle, mais je ne crois pas que ça puisse devenir quelque chose d'aussi important que ça puisse. On ne cherche pas à faire la compétition à l'euro, ça reste extrêmement marginal, même quand ça réussit bien sur le plan quantitatif. Et donc, comme ça ne peut pas être, même s'il y avait 500, 1000 monnaies locales, ce qui est souhaitable, parce que dans ce cas-là, ça devient un véritable mouvement de société qui aurait un impact sur la politique. Donc il est souhaitable d'imaginer qu'il y a un véritable développement important de monnaie locale partout en France pour que ça devienne un mouvement citoyen que les politiques auront bien du mal à freiner ou à arrêter si la fantaisie leur prenait. Mais ça ne pourra pas jouer en termes d'inflation parce qu'encore une fois, ça ne représente pas un poids important dans le paysage global de l'économie. Plusieurs questions, mais qui sont un peu toujours, qui sont toujours un peu autour du territoire, et c'est-à-dire aujourd'hui comment on définit un territoire. Des questions aussi de pertinence par rapport à une monnaie locale qui est à côté de la Gonette, le Copec, une autre monnaie locale qui se développe à côté de Vienne. Et puis une autre question aussi qui, en plus du territoire, c'est les valeurs, la charte, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une charte de monnaie locale. C'est un peu complet. Alors le territoire, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il faut vraiment raisonner territoire en termes de potentiel d'échange, dans cette vision de pouvoir faire circuler le mieux possible la monnaie. Un exemple qui est anecdotique et qui sera dans tous les cas anecdotique, c'est à Villeneuve-sur-Lot, il y a un boulanger qui fait un pain d'épices bio et puis qui allait se fournir des céréales quand même un peu spéciales, est-ce que c'est en Allemagne, bon, je ne sais plus, parce que ailleurs, bien moins. Et là, dans le réseau, il a trouvé un paysan local qui fait de la culture bio. Et paysan qui lui a dit, bah, écoute, de quoi tu as besoin? Puis je le ferai pousser, puis on va se mettre d'accord, et je vais donc te fournir, alors un prix qui est convenu, ils ont passé un contrat entre deux, et maintenant c'est le paysan du coin qui fait pousser les céréales pour le boulanger du coin. Bon, petite goutte d'eau dans la mer, mais c'est ça le genre de dynamique qui est sous-jacente et qui est dans nos monnaies locales, c'est que les acteurs de ces monnaies cherche à se fournir le plus près possible de chez eux, de changer leurs habitudes peut-être de fourniture. C'est pas évident parce qu'ils ont aussi tissé des relations peut-être avec un fournisseur. Ce ne sera pas possible de le faire dans tous les cas. Il est également souvent difficile de trouver un fournisseur qui corresponde exactement aux besoins locaux. Donc tout ça, ce sont un peu des vœux pieux, mais il y a cette logique qui est derrière de se dire chacun doit repenser. La conduite de son entreprise sous tous ces aspects, il n'y a pas seulement les fournitures, mais il y a également le management, il y a comment j'anime mon entreprise, comment je fais mon métier, enfin, il y a toutes sortes d'aspects qui sont qu'on met en termes d'intention de progression. Et qu'on va chercher évidemment la ligne directrice, ça va justement être la charte de valeur. Alors là, c'est tout le travail. On ne va pas chercher à faire dans cette charte un exposé avec des valeurs qu'on veut développer sur 5 pages. On va essayer, au contraire, d'essayer de simplifier au maximum pour se donner la chance ou la possibilité de les incarner plus réellement. Parce qu'encore une fois, le plus souvent, entre deux idéaux, on a des idéaux, sauf qu'au quotidien, on a bien du mal à les incarner parce que les événements, parce que toutes sortes d'impondérables font qu'on n'y parvient pas. Donc là, on va essayer d'être le plus. La charte, c'est un idéal précis sur ce que l'on pense ou ce que l'on espère pouvoir développer. Hein. On va pas. Il faut se méfier justement parce que La tentation pourrait être de se dire on met une charte de valeur, puis on va chercher à réunir sur le territoire les personnes qui représentent au mieux ces valeurs. Donc là, on deviendrait. La tentation et le risque serait de former un petit groupe d'une élite autoproclamée d'ailleurs, parce qu'il peut prétendre aujourd'hui vraiment incarner des valeurs qui seraient idéales. On est vraiment là dans une démarche volontaire d'évolution, d'intention d'évolution avec des actes concrets qui sont posés. C'est ça qui va être important dans l'accompagnement et dans l'animation de ces manées locales. Beaucoup, comme à l'UFPO par exemple, où il y a les prestataires, quand ils signent la charte, quand ils adhèrent, ils doivent prendre deux engagements. Pour l'UFPO, ils ont un choix entre plusieurs engagements, entre réhabiliter ou moins utiliser la langue basque, d'avoir une action sur la gestion de leurs déchets, de voir, je ne sais pas, ils ont une liste. D'engagement au choix, il y a une dynamique de progression qui est sous la sorte. Nous, au Québec, on a fait pour admettre les entreprises dans le réseau, on a fait un questionnaire d'auto-évaluation sur plusieurs domaines, management, contribution à la communauté, gestion, action écologique, etc. Donc il y a 4 ou 5 questions qui sont posées à l'intérieur de chaque chapitre, avec une échelle de 1 à 10, et on leur demande où vous situez-vous actuellement. Et quelle est, sur une deuxième échelle de 1 à 10 dessous, quelle est votre éventuelle intention d'amélioration dans ce domaine. Ce qui permet de ne pas être dans un système où, une espèce de comité des sages qui va décider de qui est assez. Évoluer ou qui ressemble suffisamment aux valeurs qu'on veut incarner pour les accepter. Non, on part du principe qu'on est tous malades, qu'on a tous à se guérir et qu'on a tous une démarche individuelle et commune à faire. Et c'est ça véritablement qui est derrière. Et donc, la dynamique, c'est vraiment, quand je rentre là-dedans en tant que prestataire ou en tant qu'utilisateur, c'est d'être inspiré par cette charte qui est la référence. Idéal de ce qu'on veut exprimer plus au niveau de notre communauté et de poser des actes concrets dans le temps, des petits actes. On est dans la même dynamique que la transition, c'est pas des grands trucs, mais des petits actes qui peu à peu apportent du changement individuel et collectif. Je pense que j'ai répondu à tout là. Dans les questions que tu posais. Alors, question suivante, enfin, c'est plus une remarque en fait. Une remarque d'une boulangère qui dit « Si l'on veut que ça marche, il faut créer une monnaie locale électronique, car les gens n'ont plus d'espèces, ils paient la baguette en carte bleue. » Quel est votre avis? J'ai dit tout à l'heure qu'on est dans une autre dynamique. Quand on est dans la monnaie locale, encore une fois, il y a une volonté de se reconnaître, de faire quelque chose de commun, de se relier, et le bout de papier sur lequel qui est un billet traduit mieux les intentions. Alors bon, il y a des monnaies locales qui ont choisi d'emblée une monnaie électronique, à Avalanche, par exemple, c'est la belle monnaie. Eux, ils ne prennent pas de monnaie papier. C'est un choix. On peut choisir d'opter pour la monnaie électronique si on estime que c'est mieux. Et ça, dans la construction de la monnaie, il est important que le groupe fondateur puisse réunir d'une part les utilisateurs, peut-être des représentants de la collectivité locale s'il le souhaite, et évidemment des représentants des prestataires qui vont potentiellement rentrer dans cette monnaie locale pour qu'ils traduisent leurs besoins, leurs anxiétés, leurs désirs, leurs volontés, etc., pour qu'on construise ensemble un outil qui aurait été co-conçu. Encore une fois, on n'est pas du tout dans utiliser un service tout préparé. C'est vraiment une expérience humaine qui va s'étaler dans le temps, et même lorsque la monnaie va circuler, ce ne sera pas définitif, ce ne sera pas coulé dans l'arbre. Les choses pourront évoluer dans le temps grâce à ce que chacun pourra y apporter en termes de réflexion, de proposition, etc. Donc, dans tous les cas, compte tenu de l'esprit qu'on veut développer des monnaies locales, il me semble que le modèle papier est plus adapté, au moins au départ. Il est certain que dans tous les cas, à terme, lorsque ça va se développer, il faudra introduire en plus une monnaie électronique, ne serait-ce que pour faciliter les paiements entre prestataires, parce que les prestataires qui vont avoir des fournisseurs un peu plus éloignés ne vont sans doute pas s'amuser à envoyer des billets dans une enveloppe. Donc il faudra bien en arriver de toute façon par une monnaie électronique, mais qui complétera, je crois, qui est important, quand même, encore une fois, de garder la monnaie papier. Mais enfin, ça, ce sera un choix local. Rien n'est définitif et rien n'est obligatoire là-dedans. Chacun doit inventer sa manière. Bon, il y a beaucoup de questions, donc certains se sentiront frustrés, mais comme a dit Xavier, on répondra par mail ou sur un site pour répondre à toutes les questions. Il y en a une qui ressort souvent, là. C'est un peu, est-ce qu'aujourd'hui la monnaie locale, c'est pas une histoire de bobo? Et comment intéresser tous les citoyens et ne pas en mettre de côté? Ça, c'est une question qui se pose. C'est une question importante, car ce n'est pas l'effort de communication qui manque. Là, je suis heureusement surpris, je dirais, de voir tant de monde à cette première réunion. Parce que très souvent, il y a des rencontres, des conférences, des choses, des activités qui sont proposées et puis les gens ne viennent pas. Donc c'est difficile, parce que cette notion de monnaie locale est encore très étrangère pour beaucoup. Beaucoup posent des étiquettes ou un jugement négatif au départ en se disant ben justement, bon, encore un truc de bobo, un truc machin, ça ne sert à rien. Et cette propension à. Comme on est tellement gavé tous les jours de nouveaux trucs, de nouveaux machins, de nouvelles technologies, de nouvelles appareils. Tous les jours, on est sollicité à la télévision, ailleurs, par un nouveau truc qui va nous faciliter la vie. Alors voilà maintenant la monnaie locale qui vient en plus. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Donc il y a un a priori souvent négatif, parce qu'on ne perçoit absolument pas la valeur, l'utilité. J'espère que j'ai réussi dans mon propos à vous montrer combien un outil aussi anecdotique peut devenir un véritable tremplin pour la transformation de l'autre monde. Si on s'y adapte, si on le délivre dans cette valeur, si on a compris ce qu'il y a à faire derrière. Mais pour ça, il faut bien qu'on ait des gens en face de soi. Si les gens ne viennent pas chercher l'information qu'on donne, c'est difficile, on est dans ce problème actuellement où on vérifie, on voit dans les monnaies locales, en règle générale, qu'on a quand même pas mal de prestataires, parce que les prestataires, évidemment, ils se disent, bah, tiens, les monnaies locales, il y a quand même possiblement une amélioration, une augmentation de la clientèle, et une amélioration des affaires, et c'est vrai, ça a été vérifié en Allemagne particulièrement, où ils sont plus développés que nous, mais où on a du mal à faire venir et à faire adhérer les habitants du territoire, parce que justement c'est difficile de comprendre l'intérêt de pourquoi j'ai pas dépassé la tête à échanger des euros contre la monnaie locale. Ça demande un travail d'explication, mais pour ça, si on ne peut pas expliquer parce que la personne n'est pas là, ça demanderait aller chez chaque personne, on va faire comme les témoins de Jéhovah, on va se balader, frapper au corps, bonjour monsieur Benal. Bon, il y a un problème là, Louis, qui est un défi, un enjeu, où il va falloir trouver un moyen détourné avec les supports de films, avec le film de main, par exemple, mais même le film de main, souvent il attire des personnes qui se posent des questions sur la société, qui sont déjà en réflexion. Est-ce que c'est monsieur Blain tout le monde qui va voir ce film? Bon, son succès fait que malgré tout, ça tient donc. Bref, il va falloir qu'on trouve des moyens pour attirer du monde, attirer des personnes qui ne se posent pas encore de questions. Et ce sera probablement peut-être le défi des utilisateurs eux-mêmes qui pourront en parler comme ça, brièvement, leurs voisins, des amis, en espérant que ça gonflera les rangs et que ce sera une maladie contagieuse. j'ai mauvais rôle en fait de tenir le temps. On prend quand même une petite, toute petite dizaine de minutes pour répondre à des questions. Donc si les réponses sont brèves, on aura plus de questions. Voilà, donc c'est comme derrière, on a notre petit temps avec un petit pot et tout. Voilà, c'est juste pas non plus finir à l'heure indue. Voilà. Alors, merci. Une question qui peut paraître simple, elle est arrivée revenue plusieurs fois. Le lien entre les monnaies locales et le revenu universel, est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux? Est-ce que vous voyez un lien? Il y a un lien. Un lien qui n'est pas possible au départ, mais un lien au moins intellectuel. Parce que justement, au sein des monnaies locales, on va apprendre à se déconditionner de la représentation de la monnaie et comprendre que la monnaie n'est qu'un simple outil et que demain, alors ce demain est encore exactement, on va en arriver à comprendre qu'on est dans une société qui est arrivée au temps où il n'est plus nécessaire de faire une relation entre le travail et la rémunération. Ça, c'est pas prêt encore. Dans notre tête, tant la valeur travail est encore ancrée dans notre culture. On va rentrer dans la notion de activité épanouissante, où le travail ne sera plus ce qui est considéré en économie actuellement comme ce qui rapporte de l'argent dans l'économie, mais ce qui est utile à la société, même si ce n'est pas rentable financièrement. Donc il va y avoir toute une transformation de la représentation mentale des choses qui conduira à concevoir le revenu bas de façon intelligente et non pas aujourd'hui toutes sortes de dérives possibles qui pourraient faire que c'est une transformation de prestations existantes qui serait emmagasinée dans le revenu bas. C'est une évolution de la société magnifique à condition que ce soit bien préparé et bien pensé. Et ce lien peut se faire grâce au travail qui se fera dans les monnaies locales. Il y a des monnaies qui ont disparu. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elles ont disparu? Quelles sont les raisons? Quelles sont les erreurs à éviter? Ça a été souvent le manque justement d'adhésion. Vous savez, le problème, c'est que ces monnaies locales reposent essentiellement sur du bénévolat. Le bénévolat, c'est sympa quand on a une kermesse à organiser, un événement ponctuel, mais les monnaies locales, c'est quelque chose qui dure à l'année longue. Et mobiliser des bénévoles, parce que c'est un travail impliquant, tout le temps, c'est pas évident. Donc il faut réussir à avoir un volant important de bénévoles, mais un ou deux salariés quand on le peut. Et pour l'instant, pour avoir les salariés, on a recours souvent, le plus souvent, à des subventions, parce que tant que le réseau n'est pas suffisant, il n'y a pas assez d'adhésion, il n'y a pas assez de revenus, on ne peut pas payer les salaires. Et donc c'est souvent pour des questions de ce genre, c'est-à-dire qu'il y a manque d'adhésion, manque de bénévoles, ou bénévoles épuisés qui arrêtent, enfin bref, il y a un épuisement qui peut arriver. Et donc, ça va dépendre de l'énergie, de ce qui va être mis dedans, et des possibilités également de ressources, tant humaines que non financières, au départ. Alors, dernière question de la soirée. Donc, pour être sûr, pour continuer un peu dans ce qu'on vient de dire, là, quel est le meilleur moyen pour financer la création d'une nouvelle monnaie locale? Donc financer une nouvelle monnaie locale, et s'il n'y a pas quelque chose de paradoxal finalement pour une association de demander des cotisations en euros, quand dans le même temps elle incite à utiliser la monnaie locale, est-ce qu'elle ne pourrait pas elle-même utiliser sa monnaie locale pour se financer et puis voilà. Bien sûr, mais comme on est aujourd'hui dans un monde qui ne reconnaît que l'activité rentable financièrement, il en est de même pour, après tout, nos écoles, nos hôpitaux, etc., où on est obligé d'aller chercher l'argent où il est. Parce qu'on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et ça peut paraître paradoxal, mais les besoins de l'association ne peuvent être couverts que par la monnaie nationale au départ. Ça peut paraître contradictoire, mais on est dans cette siècle de transition où on marche, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Ce nouveau monde à une diversité d'expressions absolument extraordinaire. Tous ceux qui ont vu le film demain en ont vu, en fin de compte, une toute petite facette. C'est extraordinaire. le champ des alternatives et des implications nouvelles dans ce monde, c'est ça qui peut rendre vraiment très optimiste et joyeux, tant on voit qu'il y a une forêt qui pousse, extraordinaire, mais cette forêt qui pousse, c'est très souvent des gens qui sont au RSA, des gens qui ont volontairement abandonné le système, des retraités qui s'y collent, beaucoup de bénévolats, beaucoup de personnes qui vivent sur un fil, avec très peu de moyens. On en est là. Et il faut bien quand même, pour le minimum, aller chercher le financement là où il se trouve aujourd'hui. Et voilà, on va certainement, pendant plusieurs décennies, fonctionner sur les deux. Et donc dépendre encore, malgré tout, de l'ancien monde. On ne peut pas le renier. Merci.